Pink Floyd à mort, ce jeune groupe RPWL. Ils auraient pu trouver un autre nom, un autre patronyme que RPWL. En fait, c'est les initiales de chaque musicien. Leur premier album God Has Failed, Dieu s'est cassé la figure, quoi, a manqué. Dieu a défailli. A défailli, merci pour la perche. C'est des anciens de Violet District, hein, si je dis pas de bêtises. Non, jamais. Pas du tout. Non, non, si. Non, non, tu ne dis jamais de bêtises et ce sont bien des anciens de Violet District. On révise, mais je suis pas le seul à réviser, n'est-ce pas Thierry? Et bon, qu'est-ce que tu peux en dire autrement? C'est sur Tempus Fugit, c'est un groupe allemand, voilà, et on trouve ça dans toutes les bonnes boucheries normalement. Et que c'est vachement bien. Ah ouais, voilà. C'est Floydien à mort, très très bien, très très bien foutu. C'est l'album du moment, hein, je pense que tu me contrarieras pas. On passe maintenant à Flamborough Head, c'est leur deuxième album pour un groupe hollandais batave et non pas anglais, malgré ce nom, puisque Flamborough, c'est un lieu bien connu pour les British, où il y a un phare, si j'ai pas de bêtises, hein, sur la côte. Du côté de Brighton, pour être un tout petit peu plus précis. Et très France Culture par la même. Voilà. Donc, on a commencé, alors on continue. Flamborough Head, deuxième album, sorti chez Cyclops. Le titre. Defining the Legacy, définissant l'héritage. Voilà, et ça fait donc suite à un premier album qui était publié en 1998, qui s'appelait Unspoken Whisper. Et c'est vraiment du néo-prog de haute volée. S'il y avait un album de néo-prog à retenir en cette fin d'année 2000, puisque l'album a été publié en décembre 2000, et ben à mon avis, ce serait celui-là. Tout de suite sur le 100.7. Only a fool How should we know where it might be? There's a bridge made of crystal glass. A bridge to the promised land. In all the dreams, dreams that we share, how should we know when we are there? On a envie d'applaudir avec eux, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais absolument, ouais. Très très beau, en plus live, ouais. Chapeau. Hein. Et l'intégration de l'orchestre de chambre est vraiment très à propos. Thork, Urdoxa, c'est un groupe de la région, si je ne m'abuse, d'Annecy, non ? C'est un groupe d'Annecy, oui, ouais. La petite communauté progressive d'Annecy, avec un autre groupe qui s'appelle Nil, que quelques chanceux avaient pu découvrir lors d'un festival off à Corbigny en 99. Et alors, Thork. Et cet album, donc ce premier album Urdoxa, c'est indubitablement la révélation française de l'année, de mon point de vue en tout cas, mais je suis pas seul à le partager, donc il doit y avoir une part d'objectivité là-dedans. Et ce premier album, donc, c'est un régal musical, bien sûr, mais tout autant littéraire et graphique, parce que le livret est superbe. Considérant que les questionnements métaphysiques ne peuvent trouver meilleur support qu'à travers des épopées progressives, Thork, menée par le violon romantique et cathartique de Claire Nortet et le chant introspectif d'Antoine Oresch, nous livre un album massif et très très émouvant. Alors avant d'en écouter un large extrait, et pour te faire plaisir Thierry, eh bien, je vais te donner le sens du titre de l'album, Urdoxa. Alors ça m'a été soufflé par Sam de Thork. Alors Urdoxa, donc Ur, qui signifie supérieur en allemand, et la fameuse doxa, donc l'opinion tant redoutée et combattue par Platon, et Urdoxa, c'est donc un néologisme d'Heidegger qui signifie, mais tu t'en doutais peut-être Thierry, qui signifie savoir incertain qui peut être aussi bien vrai que faux. Je dormais pas, patron. Après cette parenthèse philosophique de bon aloi, on écoute donc Thork, et le titre de ce soir c'est Taedium Vitae, Thork sur le 100.7. Thank you.

une damnée. Et tant à bâtard le vérité. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Danger ! Sol 100.7. The Underground Railroad, tu nous dis tout sur ce groupe américain, je crois ? Oui, oui, américain, Through and Through. Le premier album d'Underground Railroad est une des ultimes merveilles du cru progressif 2000. Ces Américains, plus encore que Colin, parviennent à mêler des développements symphoniques et des arrangements et cassures de rythme typiques des musiques nouvelles. Donc, les frontières stylistiques, Underground Railroad, les fait sauter. Voici un extrait donc de ce premier album. Le morceau s'appelle The Doorman. Tu as oublié de donner le titre de l'album. Si, si, c'est Through and Through. Ok. Ah ouais, mais je fais bien mon boulot. Ouais. Tout de suite sur Sol, je vous rappelle que vous écoutez Prog à part, l'émission du rock progressive, bien sûr.

pas grand chose à dire sur ce nouveau Gérard. Il dépote, pour dire les choses un peu de façon un peu carrée, avec un nouveau chanteur. Voilà, parution de chez Musea, de la Musea. Le titre de l'album, Les ruines d'une forteresse en glace, The Ruins of a Glass Fortress. Voilà, nouveau Gérard sur le 100.7, et on passe tout de suite avec l'ami Olivier à la revue de presse. Oui, et on évoque pour commencer deux publications étrangères, l'une allemande, c'est Progressive Newsletter, qui nous livre son numéro 33, l'autre chilienne, Subterranea, qui publie son numéro 9. En couverture de Progressive Newsletter, on retrouve les Américains de Big Health, que l'on avait découvert lors du Progfest 99, et qui affiche le double héritage de Deep Purple et des Beatles. On signalera surtout une interview passionnante d'Iona, l'un des groupes chouchous, pour ainsi dire, de cette émission. Et puis un entretien avec l'Américain résident en France, Monsieur Bob Drake, pionnier du renouveau du Rock in Opposition, la scène de Denver. Il joue dans plusieurs groupes, on citera Five U's et Thinking Plague. Voilà, celui-ci exprime entre autres les contrariétés engendrées par son héritage yessien. C'est vraiment un entretien passionnant. Progressive Newsletter, donc, pour germanistes avertis. Et puis dans Subterranea, notre collaborateur chilien d'Acid Dragon affiche un sommaire audacieux avec, tenez-vous bien, Heddles, Senkados, Artzoid, Univers Zero, Gong ou encore Arbeers. Je me demande s'il a pas fait ce fanzine juste pour moi, en fait. Tu as oublié Museo Rosenbach. Eh ben, j'allais en parler. Superbe interview. Osana, si j'ai bonne mémoire. Oui, oui, exactement. Alors vas-y, je te procède la parole. Bah, oui, j'allais en parler de Museo Rosenbach, mais tu sais ce que c'est, je garde le meilleur pour la fin. Go on. Allons-y, go on. Et oui, donc, interview de Museo Rosenbach, vraiment passionnante. Et puis,